Gloire Saïd, Lady Lyonnais, Isis et Tola, le mystérieux. La Tania, c'est pour moi si un jeu, et l'obéli Alice, vos amani. Nami Bongi, c'est qui t'en connaît, Tindo, qui a raté vol. Et Ropora va désirer, Nayo, photo, passez pour les bimines, Lunga, Moto, Monsou, c'est un maté. Bienvenue, Kimbunda, la maman de Megan. Est-ce que ça te faut qu'on y a marché? Topé au sol qui m'a monotonie. Bah, plat répété à Bolingo, le lait qu'on y a expiré. Si me fatigue à Bolo, qu'on peut foutre à Nyongo, pour y a son bon bébé, Tima. C'est la Mombolo, Elitaï, Dalia Kereba. Moi, qu'on a son inaté, ça y est, pasteur, ma bambole devient sotonana. Et qui qu'on peut y s'en a mobi, l'engi est pas y a un bata. Ça a l'air la ma barrière, nous ça peut pas y avoir. Ah, Bolingo est comme l'inga bomba. Papiroua défilé. Panichi 3, Lord Kimbunda, Mariam Takia, Ebamba, Montana Mutoki, Jean-Si Manoua, Gilles Kiala, Erika Sereka. La Franque de Gilaï. Tika et Boka, et ça la moussala n'a mon apondu. Botika mon touté, ça la moussala n'a mon ali Boka et Botika n'aï n'a pas bon quoi gloire n'a c'est fait la poisse et n'aï. Propriété privée, tant pis pour les jaloux. Stella Podia, la chaussure qui part. Malade à Bibi, à ta pédé, t'es ton akaï. Équation à trouver, toujours qui m'a pris ça compliqué. Tuzo la kaka pweza komplema Isis na linga kande molo bele kangai Luareza ikitokwe Lucas Tola Santima wana vre molo bikitokwe Boris Tola Na moto mwenyo na zombi vre amure mindele Seko komi swiss Pe hospitaliere bolingo na meza likwa Luareza I Isis Tola Junior Sala kite kia komo te kaboli fami Shadrack Tola Manoko badula Ayaya badula Rachel Sarayambo Mokolo, Zambaki la Kaifai Alali Sakadamu, Pongi Poa, Yibi Saifai Ampereur Eric Tolai Mokolo, Zambaki la Kaifai Alali Sakadola, Pongi Poa, Sinalingai Linda Grasse Mignon Mobali Banga Jake, Namote Mabo Moko Mobali Akola Kate, Ponela Elo Kola Bebe Fiston Gas, Machwa Pesa Moninga Tamwa Bizu La Wabita Bolingo, Susi Ekima Kanzo Totu Isi Seto Lana Linga Kanemo Embela Kanga Kareza Ita Lana Sima Stella Bongeli Tosami Sebile Kina Abiso Manele Preme Yaba Fidela Mona Tera Moko Yevi Confirma, le vieux Roger Lukaku, Maman Pelagie, Isala qui te dit à mon monte ta bonne famille. Ah bon? Panoko Badula, Baondele, Ayaya Badula, Papote Badula, Amoko Mokolobo, Amoko Mokolobo, Papa Georges Tola, Tandres Namane Meralingata, Maman Tabakita, Amoko Mokolobo. Kevin Sumula Komina sango na moike na sanga yuna butu Na kobanda kopanga ta ilili poya na moko Telema pardon, ya kato lupeko chéri La muka, s'il te plaît Boni Andrik Saba kela yo Sato sara plasa Zambé akela glori tsaï Sato sara plasa Zambé akela bisizito la Sato sara plasa Nika le patre Sabatino Wembo Komina sango na moike na sanga yuna butu Na kobanda kobanga ta ilili poya na moko Telema pardon, na katolo veko sheri La muka s'il te plaît Blanche César Kiloko. Sabe que la yo. Santo Sara Plaza. Cedric de Tokyo, Eric Mandala. Santo Sara Plaza. Bueno, habla, ale, boyica. Santo Sara Plaza. Evelina Bofosa. Libati, no lo puedo ver ni mal chance. Bobo Kaluchi Tandansi. Na lopoto bade ni male chase Sabe se kana opirije kakalikume Bado se tunazo kutisa ya bolimo kakabare vokasyon Anzame na ne wakangana na molangi Matimu lelero milio Kitoko nyoso mama butela neke na wapi Emedo sambi Bolimo yebe kakalibene Tati vita Kaarta ya lala zemi ya milamba Nono kanika Beenga nga otu na nga eba nini kwa melinga Ela kwa di boso kuyeba o Chezi matere ya bolingo Yango basale la kakamongo Kwa yango ye po makabato Montane maka bolingo te Chisa vananga So kiko kwa solula ya ye Paka kwa nga nasanga kolula molongani Amoke ye mbisi nga nzengwa ba bebe Ya nikeka ye nga ye Do do do mama na do do Biju Kenzo Mbui Yeah mama na do do Sala kine kia komote kaboli fami Panoko badula, baya ya badula Bapase badula, mamuko mokolobo Eritse binga, mokolobo Kovu mamweni, boss Sano esanga nemera lingaka Pamata makita, mamuko mokolobo Mamuko mokolobo, mamuko mokolobo DJ Love en France Papa Jean-Pierre Kumbela